Aspic. Ça va? Quoi de neuf, mon gars? Bon, on est là, ça se passe, hein. Qu'est-ce que tu dis? Bon, hier soir, il m'est arrivé un truc de ouf. Bah, raconte aussi. Bah, voilà, ça se passe. Lors d'une soirée haute, y'avait des gos en stock qui pensent à Fox en fumideur. Avec les femmes, je fais fureur. En moins d'une heure, je monte chez Sheila. Au-dessus d'un bar à Hauteuil, les bars ici tombent. Et là, je la choume d'un autre œil. Je me dis, elle envoie les vrais trucs sans train qui avance. Quoi, fait son comeback en peignoir. Prend les devants, attaque à quatre pattes. Pour calmer sa faim, se fout sur le sofa. Présente ses faits, je me donne à fond. Je crache au plafond. Mon ego monte en grade. Ses griffes flacir mon dos, pose crado. Ah, mon gars, t'as loupé quelque chose. C'est chelou, Hauteuil, c'est plein de chez la mêlée, la mienne. C'est un phénomène, rien à voir avec ta chienne. Ah, ouais. Rêve, une princesse, des plans de crevards qui s'intéressent. Moi, je suis à l'aise. Ses lèvres, ses yeux bleus, ses gros bzés, son corps glamour. Le jour où tu verras cette go, tu découvriras l'amour. Une femme qui se respecte, toi, comment je suis fier d'elle. Elle refuse net de sortir sans moi, tellement elle m'est fidèle. Sage et humble, elle aime rester chez elle, port d'Hauteuil, c'est simple. Quand je suis pas là, chez la veuve et porte le deuil. La technique de pointer est enclenchée, les femmes se font brancher. Tu viens d'en serrer une qui laisse bouche bée. Mais faut se méfier face à leur vice, il a moulé, car elle aussi. Elles savent doubler. La technique de pointer est enclenchée, les femmes se font brancher. Tu viens d'en serrer une qui laisse bouche bée. Mais faut se méfier face à leur vice, il a moulé, car elle aussi. Elles savent doubler. Frère, y'a pas de doute. On taffe la même go, on tâte les mêmes zaz, on goûte la même bouche, je crois qu'on s'est fait doubler. C'est grave, toutes les mêmes et dire que je l'ai aimé. C'est sûr, elle était chamée, mais je le jure, je la reverrai jamais. Alors que j'ai même pas franchi sa zone interdite, juste touché les hanches, je me suis vite fauché. Dîner main dans la main, j'ai flunch. J'ai fait rouler, moi en 4x4, j'ai frappé son boule, t'as trop roucoulé. Allons à deux, faisons la hurler, sinon on oublie, on passe à autre chose. Les femmes courent les rues, et t'sais, elles sont faciles à doser. Ouais, c'est clair, elle me dégoûte, faut plus croiser sa route et tirer un trait. Après tout, qu'elle aille brouter un autre près. La technique de pointer d'enclencher, les femmes se font brancher. Tu viens d'en serrer une qui laisse bouche bée. Mais faut se méfier face à leur vis si bien moulée, car elle aussi. Elles savent doubler. La technique de pointer d'enclencher, les femmes se font brancher. Tu viens d'en serrer une qui laisse bouche bée. Mais faut se méfier face à leur vis si bien moulée, car elle aussi. Elles savent doubler. Tout à l'heure je pouvais pas le dire devant lui, mais celle-là, faut avouer que je la kiffe trop ma chella. Non pas que je sois croque d'elle, c'est clair, mais tu vois, je lui donne une autre chance, mais c'est la dernière fois. Faut qu'elle t'explique, pour ça je suis prêt à faire sacrifice. Trop perfide, c'est pas une meuf pour mon sacré pote-fils. Sans faire exprès, j'ai retrouvé ses clés dans mon pantalon. Me voilà posté chez elle dans son salon, bien parce que je suis pas un salaud. Tout à l'heure j'ai rien promis. D'ailleurs, quand il s'agit de femmes, c'est quoi une promesse? Je laisse ma pitié, mes bollocks pèsent trop. Le temps passe, l'envie presse, et dis pas à la messe que les fesses de chez la m'attirent, mais c'est un fait ça. Arrivé à Hauteuil, l'effet impulse commence à tirer. Quoi en premier? Face dans le jacuzzi ou Cuba Libre? Un goïba en bouche, j'arrive devant la porte, touche ma poche, ce qui est bien calibré, je suis prêt à sonner. La voilà, quand elle verra, qu'est-ce qu'elle sera étonnée? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Je suis sur un de ses clés, moi. Mais t'as voulu la tirer en vidéo. Mais non, arrête de dire.